périmée. Je regarde dans le caniveau. Je ne vois que mes os. Faut bien une attraction, enfin bref, une aération, une sorte de booster pour remonter le cœur et puis l'esprit s'envole ailleurs. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Mais quand je retombe dans les bouchons, tous ces papiers, tous ces blessons, tous ces bordels, tous ces rebelles, et puis il faut une décision. Alors, faut bien une attraction, enfin bref, une sorte de booster pour remonter le cœur, et puis l'esprit s'envole ailleurs, ailleurs. Comme collectionneur des choses.